dimanche 5 avril. Il est 16h08. Donc je me promène dans les rues de Saint-Priest. C'est très beau. C'est le dimanche des rameaux. Bonjour. Bonjour. Rencontre relativement peu de gens, un couple. Un chat. Voilà, c'est un petit tour que je fais assez régulièrement. Je passe devant une école. Il y a quand même deux enfants qui font du patin, du roller. Et des parents qui discutent, des amis. Bonjour. Alors, il y a une chose qu'on voit se développer, en tout cas près de chez moi, puis en baladant, je vois, c'est les enfants qui mettent des messages aux fenêtres. Alors, soit il y a des bonjour, soit il y a des dessins. Et en fait, je vois que de jeunes comme ça, enfants, se font des dessins et des messages qui collent aux vitres. Et puis, de l'autre côté, en face, il y a des réponses. Puis là, je viens de passer, je vois un grand dessin sur une fenêtre, justement, qui parle des rameaux. Voilà. Donc, il y a des massages qui se développent comme ça, visuels. Alors, on entend le tramway au loin qui s'approche d'une station. C'est une belle journée ensoleillée, il fait chaud. Je gardais ma polaire parce que je suis toujours enrhumée. Mais il fait très chaud. Quelques coureurs. Thank you. Voilà, j'arrive devant le lycée. Voilà, je vais m'arrêter là pour la balade, enfin audio, parce que ma balade pédestre continue. Allez, à demain.